Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une agréable nuit avec la pleine lune d'hier soir, qu'elle ne vous a pas trop remué. Bonjour Doug. Salut. Salut. Mais non. Ok, bah Chloé se marre, je ne comprends pas la raison. Pour une fois, je n'ai rien fait pour, et finalement j'ai l'impression que maintenant, Chloé se marre dans l'attente que je fasse quelque chose, et j'ai beau ne rien faire, elle se bidonne, c'est assez... mais en vrai, j'ai cru que... Non. Okay. Bonjour à tous, on commence en forme aujourd'hui. Oui, on commence super en forme, on vient de s'écouter un petit Lorenzo avant de prendre l'antenne, c'est pour ça qu'on avait deux minutes de retard. Ouais. Du coup, bah, ça nous a bien enjaillé et nous a mis bien pour cette matinale. Bah bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 8 avril. Allez bam, mérite direct. On ça fait maintenant 3 mois qu'on est en confinement, mais on tient le coup tranquille pépouze hein. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale des Roms. Ce silence qui induit une grande hésitation entre se permettons de commencer par une blague raciste directement ou restons polis. Est-ce qu'on attend un peu? Non mais voilà, c'est juste pour information, c'est la journée internationale des Roms, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est eux qui ont inventé les CD? Bah il l'a fait. Bah c'est pas raciste, c'était le seul angle que j'avais qui était un peu soft quoi. J'allais dire que c'était la journée des pirates. Soft, ouais. La journée des pirates. Parce que les pirates ils boivent du rhum. Ouais. Oh. Et attends, il y a la blague de Chloé qui est passée un petit peu inaperçue mais qui est pas mal. Quand j'ai dit que j'étais un peu soft, elle a fait... C'était un peu software. Software, ça allait avec CD ROM du coup. Ouais. On est une blague, blague d'informaticien. Vous êtes IT guy. Ingénieur informaticien. Wow. Je suis ingénieur informaticien. Pardon. Alors aujourd'hui, c'est également le Draw a Bird Day, la journée du dessin d'un oiseau aux États-Unis. C'est une journée pacifiste où on s'offre les oiseaux que l'on a dessinés. Voilà. Okay. Alors à vos dessins, offrez des oiseaux. Aujourd'hui, nous fêtons une bonne fête aux Julie. Wow. Bonne fête, Julie. On connaît tous une Julie, oui, ou pas? Oui, moi j'ai ma cousine qui s'appelle Julie. J'ai pas de Julie en tête, là, comme ça, mais ok. Hein. Julie Gaillet, peut-être, on en parle Julie Gaillet. Oui, un peu. Aujourd'hui, sinon, ça s'est passé un 8 avril. Aujourd'hui, ça s'est passé un 8 avril, effectivement. Non, effectivement. Bon, bah, par exemple, 1977, le 8 avril 1977, c'est la sortie de The Clash, premier album du groupe. Les Ramones. Exactement, c'est ça. Sinon, 8 avril 1378, moment hyper important. Voilà, dans la vie de la religion. Les cardinaux dissidents élisent un nouveau pape, le pape Clément VII. Ah, ça bougeait à Avignon. Et c'est un nouveau pape à Avignon, donc c'est le grand schisme d'Occident. Il y a un pape à Avignon et un pape à Rome, au Vatican. Voilà, c'est intéressant. Est-ce que c'est pour ça que c'est la journée internationale de Rome? Waouh. Ah waouh. Ah non, c'est pas pour ça. Est-ce qu'on dit pas en Avignon plutôt? Est-ce que tu dis en Alexandrie ou à Alexandrie? Alors aujourd'hui, il y a pas mal d'anniversaires aussi, des trucs sympas. Aujourd'hui, on a deux artistes qu'on aime beaucoup qui fêtent leur anniversaire, donc on vous en parlera plus tard. Aujourd'hui, anniversaire de Kofi Annan, je ne sais pas si vous vous souvenez de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, prix Nobel de la paix, tout ça. Aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Jean Benguigui. Qui a fait dans la culotte. Pardon. Ah, c'est quoi la référence? C'est dans Nos Jours Heureux, qui ça? Ah putain. Et en fait, c'est Jean Benguigui, c'est le petit l'acteur qui a 3 minutes de rôle par film, quoi. Oui, mais alors qui étonnamment a quand même joué dans certains films qui sont très très bons. Tu vois, il est dans Astérix, il est dans Nos Jours Heureux, il est dans Le Mulet. Dans Independence Day aussi. Dans quoi? Non, c'est pas vrai. Dans Independence Day. Ouais, il joue à des aliens. Oh non. Oui. Oui, il joue dans le boulet aussi, c'est vrai, putain. D'ailleurs... Attention, petit numéro 8. J'ai des amis très haut placés. Des amis de loin. Ce serait bien si tu venais d'Alexandrie. Voilà, la meilleure phrase de Jean Benguigui. Voilà. C'est également l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur de super. JT, voilà. C'est son anniversaire. JPP. Putain, c'est vrai. Il a trop de la chance que ses initiales, ça fasse ça. Ouais. JPP. Et grâce à lui, tous les salons de l'Ariette, tous ces petits événements... Eh ouais, mais attends, Damien, toi, c'est DJ. Ouais. Oh, la putain, classe. DJ, ça aurait été stylé, ouais, j'avoue. Hein. Ça, c'est et Kemal, lui, ça fait kilomètre. Mais ouais. C'est en référence à son... à son pédiatre. Oui. C'est vrai que mon pédiatre, il en fait des kilomètres pour soigner tous les clients qu'il a à soigner. Hein. Hugo, c'est HS, et je trouve que ça lui va vachement bien parce qu'il est tout le temps HS. Ah, c'est pas mal, pas mal. Yes, bah on en a d'autres aussi, comme ça. Allez, partagez votre acronyme et on vous dira qui vous êtes. Exactement. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Robin Wright Penn, l'ex-femme de Sean Penn, que vous pouvez voir dans la série Aidez-moi avec l'autre qui a tripoté des garçons. Ah oui, oui, il fait un truc américain là, Kevin Spacey. Et c'est House of Cards. Voilà, ah d'accord, donc c'est l'ex-femme de Sean Penn. Exactement. Bah, très bien. Robin Wright Penn qu'on peut aussi voir dans... Putain, merde. Le film avec Tom Hanks. Seul au monde ? Non, l'autre. Forrest Gump. Forrest Gump. Philadelphia. Forrest Gump où elle joue sa zouze. Ah ouais ? Ouais, c'est elle. Ah, le monde est petit comme quoi, hein. Oh putain, pardon, je viens de le voir. Non mais je l'ai pas reçu, hein, mais le postillon il est passé devant moi, mais c'est comme si j'évitais un bus me passant devant là. Mais c'était... Aujourd'hui c'est également l'anniversaire de Patricia Arquette. Dans le congrès là, alors le problème c'est que les jeux de mots timés sur le Discord, nous on a 20 secondes de décalage avec vous, donc en fait on quand vous mettez pas le contexte du jeu de mots, bah on l'a pas. Là, Madame Mona qui met dans le congrès. Oui, faut développer, Madame Mona. Ouais, non, il faut quelque chose de plus précis là, parce qu'on est en décalage horaire. Patricia Arquette que vous avez pu voir. Déjà, Patricia Arquette qui fait partie de la grande famille Arquette. Hein, ils sont plusieurs frères et sœurs qui sont très très forts. Mmh. David Arquette, le frère, vous avez pu le voir mal jouer dans tous les scrims. Sinon, vous avez. Ah, dans le congrès. Elle joue dans le congrès. C'est un film, d'accord. Ok, et eh ben voilà, dans le merci, congrès, Mona. Merci pour votre et culture. Et donc Patricia Arquette que vous avez pu voir tous les samedis sur M6 dans Medium, par exemple. Ah ouais, le carré blond. C'est exactement, ouais, c'est ça, que vous avez pu voir dans le Medium, qui est une série pas ouf, mais pas pire. Voilà. Voilà, vous avez pu la voir dans plein de trucs, elle a gagné plein de prix, elle a fait une mini-série qui s'appelle The Act, qui est basée d'une histoire vraie, qui est incroyable, si vous voulez le mater, elle a eu la Emmy de la meilleure actrice dans une mini-série pour ça. Alors Douglas commente, parce que Douglas a le don d'ubiquité, hein. il participe vocalement avec nous, puis il est très actif sur le chat. Il a mis « Je sens que Mona va être le souffre-douleur de la journée ». Eh ben oui, c'est vrai qu'on en a tous les jours, et en général, c'est vrai que ça tombe un petit peu sur le premier venu, là, le premier qui aura le malheur de nous contrarier un petit peu, de dire un truc off-timing. C'est souvent gratos, hein, mais on fonctionne comme ça. En général, c'est parce que c'est toujours un truc d'espèce de revalorisation, de manque d'estime de soi, et on s'en prend toujours à quelqu'un d'autre, voilà. C'est une technique que j'ai développée au collège, pour ma part. C'est-à-dire que si tu peux pas t'affirmer en tant que leader, te faire fort, et ben il faut prendre quelqu'un un tout petit peu plus faible que toi, mais pas trop, sinon tu passes pour un lâche, et il faut lui taper dessus. Putain, cette théorie de merde. Bah ça m'a fait survivre 4 ans de collège, 3 ans de lycée, j'ai envie de dire. Alors théorie de merde, en attendant, qui c'est qui est toujours là? C'est Lily, hein. Ah, ça se tient. Hein. C'est vrai, ça a un peu de sens. Et du coup, aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de Frédéric Bousquet, qui est nageur. Voilà. Et un des deux anniversaires d'un artiste qu'on aime bien, qu'on voulait vous parler aujourd'hui. On va vous balancer une première chanson. C'est l'anniversaire de Jacques Brel. Mmh. Alors, Jacques Brel, on a hésité parce qu'il y a quand même beaucoup de chansons qui sont pas ouf au niveau enjaillement. Ouais, c'est-à-dire que nous, on a quand même commencé notre journée avec Nick Labac de Lorenzo, et vous, vous auriez pu commencer avec Ne me quitte pas de Jacques Brel, donc voilà. Deux salles, deux ambiances. Voilà, donc on s'est dit, bon, on va prendre une des chansons les moins badantes

Et on a Doug avec nous. Ah oui, on t'a pas dit, on a Doug avec nous qui est en message. Ah, voilà. Il est en messenger. Tu l'entends? Ah bah oui, forcément, c'est vrai. Bah, bonjour Doug, bonjour, enchanted. Alors il faut savoir que juste avant, alors les gens ne savent pas qui c'est. vous pouvez vous présenter, invité? Oui. Alors, je m'appelle Nikki. Voilà, je suis, je suis confiné, voilà. Et voilà, ça fait déjà plusieurs années, je crois. Enfin, je sais plus trop. On perd un peu le fil, hein. Mais voilà, je suis citadin, c'est-à-dire que j'habite la ville, voilà, à Nantes. Et puis voilà, je suis donc en colocation. Habituellement, je travaille dans un musée, mais là, forcément, les lieux publics. C'est interdit, donc je me suis improvisé bricoleur et lecteur. Voilà, c'est ce qu'on peut dire de moi, je pense, à peu près. Voilà. Vous êtes combien en colocation? On est trois. Et un chat, et Patafouin, qui est à côté de moi. Et Patafouin, comment il va, Patafouin? Bah bien, alors là c'est bien parce que je l'ai, il est assis là devant moi et en fait il s'est fait tondre le bas du dos sur un carré à peu près de 15 cm sur 15 et du coup ça lui fait une coupe un peu punk. Il avait un petit abcès au tout début du confinement donc c'était cool, on a pu faire des... Enfin Sylvain, mon collègue a pu faire des allers-retours pour qu'il aille se faire soigner. Mais c'est guéri maintenant et c'est rigolo, il a ce trou et puis du coup on voit sa petite peau de rat là un peu qui fait des plis des fois quand il est assis, c'est marrant. Et ben voilà. On fait des gros bécos à Pataflex. Et on fait des gros bécos à tous les rats de France. Non. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais il est en train de se faire des bisous lui-même aussi. C'est-à-dire qu'il se lèche le dos, voilà. Alors Nikki, on a des petites questions à vous poser, hein, comme tous les matins, on a des questions à nos invités. Et n'hésitez pas sur le Discord à poser vos questions à Nikki, hein. Il est là pour ça. Oui, c'est vrai, oui. Il connaît plein de trucs en histoire, si vous avez des questions. Oui. Alors Nikki, est-ce que vous pouvez nous parler de votre morning routine? Est-ce que votre morning routine a changé depuis le début du confinement? Morning routine, il y a quand même plus de cloves dans les cendriers éparpillés dans mon lit, donc le matin quand je me lève, il faut que je pousse toutes les cendriers au sol, comme vous savez, ces bouteilles de Jack Daniels aussi. Voilà, pour pouvoir sortir de mon lit. Mais une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire que souvent je m'étire un petit peu, vous voyez, et puis je vais faire du café si les colocataires n'en ont pas fait, et voilà quoi. Alors vous êtes team vous êtes team petit déjeuner ou team pas de petit déjeuner? Disons une large tranche de pain suffit, hein, s'il y en a, et puis sinon bah on mange un peu plus tard dans la journée. Mais moi j'essaye d'allier un peu les deux teams en fait, selon mon humeur, voilà. Ça, on peut dire ça comme ça, je pense. Alors on a une première question de Jean-Jean, qui nous dit, qui nous dit « Salut Nikki Nigdal, il paraît que vous avez regardé les Césars chez Chloé avec Kéman sans Chloé, comment était-ce ?» Ah, mais c'était une excellente soirée, j'ai l'impression que ça fait des années, et je me disais justement que c'était le dernier souvenir que j'avais IRL avec Kéman, et que c'était très bien. On a quand même un peu décroché des blagues des fois, puisqu'on a même mis l'internet pour écouter un peu de musique, je crois, à un moment. Je sais plus... qu'est-ce que c'était? Parce qu'il y avait les dernières sorties des Strokes, là, mais ça, c'était une autre soirée, je crois qu'on avait écouté ça. Je sais même plus ce qu'on s'est mis comme live, ouais. On s'est mis un live, mais je sais même plus quel groupe. Mais c'est que l'ambiance était rapide. De Grizzly Bear. Ah, voilà, ouais, des lives de Grizzly Bear. Ouais, d'ailleurs, ça datait, les vidéos étaient pixelisées de dingue. Ouais, mais, grave. Mais c'était chouette, c'était... Non, c'est excellent, Grizzly Bear. Les Césars... très marrant, parce que c'est une ambiance vachement moins cool que du coup dans l'appart. Mais c'était à voir cette année, je pense. Ouais. Je suis pas un spectateur habitué, mais là, ça valait le coup, ouais. Je pense que Chloé nous aurait détesté parce qu'on commentait à peu près tout, en fait. Ah oui, on se posait la question de savoir que, ouais, à quel point tu suivais, ouais, c'est vrai, de ton, de la coloc et où t'étais, et puis, bah, si t'avais réussi aussi à faire taire les gens autour de toi, ou pas. J'étais avec des gens très assidus qui avaient envie de suivre aussi, et à qui j'avais bien précisé, étant donné que j'ai passé la semaine avec eux, je les avais prévenus fallait suivre les blagues. D'accord, bon, très bien. Voilà. T'en as pensé quoi, Florence? Elle t'a plu aussi en... Ouais, Florence ouais. M'a plu, ouais. Benjamin Laverne m'a beaucoup plu. Il m'a fait beaucoup rire. Oui, c'est vrai. Là, on avait raccroché Evagon un peu en cours, mais il était très drôle, ce monsieur. Alors, ouais. Moi, j'ai des questions sur l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Parce que vous dites que vous êtes citadin. C'est pas trop dur, le confinement en ville? Ça va. J'avoue, j'aime un petit peu cette vie monacale retirée du monde. Hein. En fait, nous, on a la chance d'avoir un petit jardin quand même. Donc, ça évite qu'on se marche dessus dans la maison. Bah, là, je suis allé directement d'ailleurs dehors au saut du lit là pour vous parler. Et ouais, du coup, ça permet de faire d'autres activités, le petit bricolage, on a fait les semis pour le jardin, des choses comme ça, on respire, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est pas trop pénible, quoi. Mais la ville, bah, c'est marrant quand on y sort, je sais pas, on a l'impression d'être en plein cœur de l'été quand tout le monde est parti, ou que c'est la canicule et que tout le monde reste caché, quoi. Sauf que, bah, voilà, c'est la canicule, quoi. Est-ce que finalement, Nico, vous vivez pas votre meilleure vie de confinement? Je pense qu'on peut dire ça, hein, de cette manière. Alors, évidemment, je n'oublie pas, hein, sur qui je me repose et puis ceux qui n'ont pas du tout cette même expérience. Mais oui, franchement, en fait, il faut quand même se réaliser qu'il y a de nombreuses fois où je me suis dit, oh là là, si seulement le boulot pouvait me lâcher pendant un mois, ça me ferait plaisir. Et puis, bah, en fait, c'est ce qui m'arrive, donc je ne vais pas m'en plaindre. Et voilà. Mais ça, c'est votre petit côté cancer. Ça c'est sans doute mon petit côté cancer avec ma lune en cancer, comme vous le savez, parce que vous êtes une astrologue de talent, hein, et voilà, et donc oui, en effet. Moi, je dirais que mon petit côté cancer, c'est les 8 clopes que je fume par jour, mais chacun son truc, hein. c'est vrai, c'est ça aussi, mais fais attention à vos poumons, hein, quand même. Alors, on a une question de C'est pas ma cam qui demande combien de temps a vraiment duré la guerre de 100 ans? Ah, alors, allez, on va dire, c'est quoi, c'est 1337-1453, quoi, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait un peu plus de sens, ça. Ouais, 114 ans, ouais, voilà, c'est ça, c'est... Alors après, hein, il y a débat, sur, évidemment, l'ultime date de fin, je crois qu'on prend la bataille de Formigny, mais on peut prendre le traité de... Compiègne, non, je sais, enfin bon, mais grosso modo, oui, donc un peu plus de 100 ans, 113, 114 ans, ouais, tout à fait, voilà. Alors, à savoir que c'est pas une guerre, genre bataille de la Marne et compagnie, hein, forcément, il y a que quelques batailles, finalement, dans cette histoire-là. Exactement. C'est une querelle qui dure longtemps, mais nous conseillons, quand même, et vous me rejoindrez sans doute sur ce point, la lecture du fascinant ouvrage de Monsieur Minois. De Monsieur Georges, de son prénom. Voilà, Georges Minois, La guerre de 100 ans, disponible en poche chez Tempus. Voilà, une lecture de qualité pour tous les amateurs de guerre qui dure 100 ans, quoi. Voilà. Exactement. On s'envoie un petit son avant de reprendre d'autres questions pour vous, Niki? Ouais, du son, allez-y. Allez, on va s'écouter notre classique, hein, tous les jours, on s'écoute un petit morceau issu de l'album 52 reprises de l'espace de Philippe Catherine Francis et ses peintres. Et aujourd'hui, il reprend Yannick Noah, on va s'écouter Saga Africa. Ah mais oui. Hop. Mais venez, allons ambiancer, ambiance sous. tacos, ambiance Makossa ou l'ambiance Bikuti, ambiance Asiko, mouvement partout et mouvement droite et mouvement à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur c'est mauvais, attention à cheveux. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. H.E. H.E. Direction quartier au dommage, poulet braisé avec le mayo, oh comment, goûte le mayo, comment tu es calé, oh élan nous azout, t'es un shoga, hein, tu danses un peu bancal, mais c'est bon, mouvement de hanche, mouvement bangala, attention le type là, il est trop dangereux, viens ma sœur, fuyons, l'affaire est très grave, attention ma sœur, attention, attention H.E. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Yannick Noah pour Radio Cameroun avec les lions indomptables. Nkono dégage un suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel de Nkono. Les défenseurs voient complètement flash. François Omenbiyik amorti et glisse un zolo. Deux zolos et passe à Roger Mila. Mila dribble la balle. Un dribble qui sort des laboratoires footballistiques d'étudie. L'affaire est grave. Il tire au goal. Il y est. Il y est. Il y est. Il y est. Il y est. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention les secousses. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, ambiance de la brousse. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. Debout les campeurs et haut les cœurs. N'oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours, Paris. On est pas à Miami. On en est même loin. Nous sommes toujours en direct sur la radio des Boncons, il est 10h30, je suis toujours accompagnée de Kéman et de Doug et de notre invité du jour, Niki. Niki, ça va toujours ? Oui, oui, ça va très bien. Alors on a une question, Niki, de Douglas Wilson, qui est aussi avec nous en ligne, qui nous dit « Bonjour Niki, Chloé m'a montré une photo de toi en léopard, est-ce ta vraie peau ou ton pyjama préféré ?» Alors en fait j'ai des écailles et je mets une peau de léopard pour protéger mes écailles parce que voilà, sinon j'ai un peu froid mais voilà, mais donc j'ai des écailles normalement. Mais j'aime beaucoup ce léopard, je pense qu'il est un peu oversize et tout, et c'était peut-être la photo de l'Elfest. Non, c'était ton short léopard. Ah oui, ouais. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. Ah ouais, normalement il y avait un débardeur qui allait avec et j'ai pas pu l'avoir, mais ouais. Ouais. Est-ce que vous aimez, vous êtes quelqu'un qui aimait vous déguiser, Niki ? Oui. Alors, dis donc, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis des années, on dirait comme ça. Hein. Mais oui, j'aime beaucoup me déguiser, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que peut-être un jour, vous auriez envie d'aller au carnaval de Dunkerque ? Ah, ça, oui, on en a parlé, ça a l'air très loufoque. Oui, il faut plein de matières, plein de couleurs. Ouais, je pense que ce serait un bon défi déguisement, ouais, le carnaval de Dunkerque, ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'était pas exclu, en plus, oui, c'est vrai, ouais, complètement. Ah oui, puis vous connaissez vous-même le carnaval de Dunkerque, ouais. Tout à fait, je connais bien le carnaval. Mon compère Doug connaît également, puisqu'il a fait sa première pas plus tard qu'il y a 2 mois. Ok, très bien. Et Doug a passé un bon moment. C'était nickel. Ouais, oui. C'est okay. Juste ça, Doug, que vous avez à dire sur le carnaval. C'était nickel. Mais non, mais il faut être concis pour rendre l'antenne au bout d'un moment, quoi. Sinon, je pourrais m'étaler sur trois tartines. Et j'aime, et Dieu sait qu'on aime quand vous vous étalez sur trois tartines, Doug. Bon, on va prendre les dernières questions, hein. N'hésitez pas, on va pas avoir Niki les yeux bleus pendant longtemps au téléphone, donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que moi, sinon, j'en ai plein, hein, des questions. Moi, j'ai une petite question capillaire. La problématique est soulevée par pas mal de camarades qui n'ont pas pris de rendez-vous chez le coiffeur avant le confinement, qui se retrouvent un peu pris au dépourvu. Vous, en termes de capillarité, vous êtes comment là? Comment ça se passe? Est-ce que vous envisagez une coupe artisanale? Est-ce que... Du coup, en fait, ça faisait partie de mes projets de me laisser pousser les cheveux encore pendant très longtemps. Donc, je suis content que personne ne voit cette espèce de stade intermédiaire complètement bâtard là. Mais non, j'envisage de laisser pousser. En effet, en revanche, on s'est rasé et on s'est fait les petites moustaches avec mon coloc et c'est très drôle quand on a des têtes de charpentier. Et tout. Par contre, je veux une photo, s'il vous plaît. Ah oui, on va se prendre des petites photos. Ouais. Alors moi je voulais savoir, parce que enfin, vous connaissez personnellement avec Kéman, on sait que vous êtes amateur de livres, de films, de musique. Est-ce que vous auriez des petits conseils culture pour ce confinement? Alors, des petits conseils culture, qu'est-ce que j'ai lu de bien là? Ça a marché avec ma colocataire, alors je suis Enora, donc je suppose que ça pourrait intéresser des gens. Alors c'est un bouquin sur Ed Kemper, un serial killer, mais c'est romancé quoi, mais c'est hyper efficace, la langue est très très belle, c'est Marc Duguin, Avenue des Géants ça s'appelle, et c'est vraiment un bouquin super chouette, hein. Alors l'argument serial killer évidemment il marche un peu tout seul, c'est peut-être facile, mais là je trouve ce livre il a vraiment quelque chose quoi, parce qu'il est pas tant penché sur l'aspect crime, et même s'ils sont décrits, hein, l'aspect crime etc, mais ce personnage qui est absolument incroyable et Marc Duguin ça marche très bien. En série, bah écoutez, moi j'ai repris les The Leftovers et je trouve ça vraiment fantastique. The Leftovers, les restes, donc un peu comme quand on n'a pas fini son assiette, et c'est vraiment très très bien, hein. Je trouve que ça ressemble pas à grand chose, ça me fait dire que Lindelof c'est vraiment le meilleur du duo J.J. Abrams-Lindelof en fait, en termes d'écriture et tout, vraiment génial. Et puis quoi d'autre? Je trahis un peu un film qui pourrait être programmé quand on se reverra en vrai, mais c'était une comédie d'horreur qui m'avait fait beaucoup rire. En plus, ça vous plaira sans doute, c'est avec Elijah Wood, le cher Elijah, ça s'appelait Cooties, C2OTIES. Ah bon oui bah c'est tout à fait et je sais plus pourquoi j'ai reporté hier soir comme ça parce que la comédie d'horreur c'est un peu casse-gueule quoi des fois, enfin souvent même, mais celui-là m'avait beaucoup fait rire quoi, peut-être c'est parce que c'est des enfants qui craignent dans l'histoire, du coup c'est un grand défouloir quoi, voilà. Bien, c'est très bien. Moi, j'ai grand hâte personnellement de vous retrouver pour continuer nos sessions films. Pour aller manger un grillade cousin aussi, hein. Oui. Oui. Manger un grillade cousin. Oui, et puis moi, j'espère vite revenir aussi chez vous pour quelques chinoiseries vegan. Voilà. Bah oui, là, la cuisine, ça tourne à fond aussi à la maison, c'est très bien, tout à fait. Merci, Niki. Il y a une recette de nem en ligne. Oui, on l'avait la radio des bons cons l'avait partagée. Ah, c'est fantastique, vous faites un travail formidable depuis toutes ces années, voilà, on est tellement content de vous écouter, c'est un régal, tous les matins, voilà. Ça nous touche beaucoup. Merci, Niki. Je vous en prie, merci à vous. Allez, bonne journée. Et on entend bien les oiseaux qui chantent derrière, c'est agréable. Ah oui, oui. Ah bah oui, là, le matin, ils sont ravis, ouais. Eh ben, on va se retrouver tout de suite avec la chronique musique, mais avant, on va s'écouter un petit morceau de Terrier qui s'appelle Traversée Punk. Alors, Terrier, juste pour le petit laïus avant, c'est un copain avec qui j'ai eu l'occasion d'enregistrer. Il vient de Vendée, mais on lui pardonne. Il habite désormais à Paris. Il aurait dû jouer au Printemps de Bourges, il aurait dû jouer au Francofolie. Malheureusement, bon, la situation est celle que l'on sait. Néanmoins, il va exploser. Voilà, attendez-vous à une signature chez une grosse machine de guerre pour lui. Vous le verrez partout dans les médias. Vous avez une session live sur Basic de France 4 qui est disponible sur YouTube. Et le morceau s'appelle Traversée Punk. Et ça part. J'adore Terrier. Oui, bah voilà, on vous conseille d'aller explorer davantage ça sur YouTube, sur l'Instagram aussi, je suis Terrier, voilà. C'est un futur grand, comme on dit dans le métier. Et vous pourrez dire, La première fois que j'ai entendu, c'était sur la radio des bons cons. Je sais pas s'il faut lui dire, de peur de qu'il nous réclame après de la SACEM ou des trucs comme ça. Non, mais je sais pas ce qu'on est notre statut encore actuellement là en termes de légalité. Donc moi je fais de la promo pour les copains, ils le savent pas, surtout ceux qui sont en passe de signer, qui ont déjà pas mal d'accompagnement autour d'eux. J'ai pas envie de m'embrouiller avec eux si vous voulez. Il a déjà un petit staff autour de lui, hein, Terrier, donc j'ai pas envie de m'embrouiller avec ses managers, son attaché de presse et tout ça. Donc dites-le à tâtons, genre vous jaugez, vous essayez de voir si ça peut le faire en termes de promo pour la radio des bons cons. Si vous sentez une petite réticence, fermez votre gueule, je pense que c'est la meilleure solution à adopter. On va parler d'un autre groupe qui risque de pas entendre parler de nous et donc on se permet, hein, on se permet de faire la promo. Bon, faut quand même dire que ça fait 2 semaines que Chloé me dit hein, faudrait faire une rubrique sur Vampire Weekend, faudrait faire une rubrique sur Vampire Weekend. Donc on fait une rubrique sur Vampire Weekend. Quoi ? Parce que c'est l'anniversaire d'Ezra Koenig aujourd'hui, le chanteur, le leader de Vampire Weekend. Enfin leader non, le chanteur, juste chanteur, parce que c'est pas lui qui est plus l'homme à tout faire, attention. Alors on va parler de Vampire Weekend, donc c'est ce petit groupe qui est sorti, ça a sorti ses premiers singles en 2007 avec A Punk là, que vous avez sûrement entendu, je sais pas, dans Just Dance par exemple, ou dans plein de trucs, dans plein de pubs, ah, ça a été matraqué. Donc c'était ces belles années 2000, vous savez, où les guitares revenaient, où tout le monde faisait pas de la musique en MAO avec à la Billie Eilish ou avec juste une boîte à rythme un peu cheapos, une ligne de basse un peu cheapos, et puis on fait genre on chante et on chope des Grammys. Non, à cette époque-là, on faisait de la musique, bordel de merde. Excusez-moi. Alors, Vampire Weekend, pour dresser le portrait, c'est 4 Cugus. À la batterie, c'est Chris Thompson. À la basse, c'est Chris Bayo. À la guitare, c'est Rostam Batman Glige. Je me suis entraîné pour le prononcer, hein, d'origine iranienne. Et le chanteur Ezra Koenig, qui est d'origine juive. D'ailleurs, au passage, voilà. Non, mais je dirai ce que j'aurais à dire en fin d'émission, si je peux me permettre. Je me perds avec mes conneries, voilà. C'était 4 petits mecs très mignons, si vous voyez leur look, c'est petit polo, petit pull colvé, chemise Ralph Lauren. On est sur 4 jeunes hommes qui se sont rencontrés à l'université de Columbia. Hein, on rappelle les frais d'inscription hein, au début des années 2000 pour les années licence, on était sur du entre 40 et 45 000 dollars l'année. Et quand on est post-graduate, donc après Bac plus 2, on est sur du plutôt... on approche des 70 000 dollars l'année. Donc on est... Un peu comme les Strokes, on est quand même sur du gosse de riche, hein. Mais contrairement aux Strokes qui veulent se faire un peu bad boy, cheveux sales, veste en jean, veste en cuir, les mecs au moins ils ont le mérite d'assumer avec leur petite chemise à carreaux, d'un air de dire ouais je fais un concert mais la veille j'étais au golf avec papa. Voilà. Et donc ils nous sortent un premier morceau qui s'appelle Campus tout simplement, parce que ce sont des jeunes gens d'université, des jeunes gens de bonne famille, les gendres idéales, idéal, faites comme vous voulez. Et donc ce premier morceau s'appelle Campus et ça représente pas trop mal un petit peu l'esprit de leur premier album bien sous tout rapport. Drag your feet along the floor, but I see Voilà, c'était Campus de Vampire Weekend. Donc c'est un peu le reproche qu'on leur a fait au début, c'est d'être des WASP, vous savez, c'est cet acronyme qui veut dire White Anglo-Saxon and Protestant, ça signifie un petit peu les dominants en fait, hein, finalement, américains. Donc ces quatre petits garçons qui ont les moyens d'aller à l'université américaine, autant vous dire que c'est clairement pas une majorité d'individus qui peuvent se le permettre, surtout dans la Columbia qui est une des facs d'Ivy League, donc les plus prestigieuses du pays. On leur rapprochait ça, d'autant que ce premier album est vachement inspiré de musique africaine, hein. Il y a vraiment des rythmiques africanisantes, tant dans la guitare que dans des percussions qui sont rajoutées, donc on les a un peu critiqués pour une forme d'appropriation culturelle. Alors ouais, bon, c'est vrai pour leur background social, ça c'est sûr. Par contre, White, c'est un peu dur, sachant que Rostam Batman Glidge, il est d'origine iranienne lui-même, et en fait... Ses parents sont arrivés aux États-Unis pour fuir la révolution islamique des années 70, c'est ça qui s'est fait destituer le chat. Mm-hmm. Ouais. Mm. Voilà. Non mais franchement, les seuls mecs qui sont aussi cruels avec un chat, moi si j'avais un chat comme président, mais j'aurais été trop refait quoi. Sauf Malo, elle est un peu casse-couille des fois quand même, faut pas se mentir. Non. Voilà. Alors, vous le voyez pas, mais pendant toute sa connerie là, il a un grand sourire hyper fier de lui. Bah bien sûr, une blague de chat, c'est tout mignon. Et pour une fois que je fais une blague un peu mignonne qui est pas border, franchement je me réjouis de pas avoir à faire de plates excuses en fin d'émission, comme ça risque de devenir une tradition à la longue. Alors on passe à un deuxième album qui s'appelle le deuxième album s'appelle Contra. Donc le premier album s'appelle sobrement Vampire Weekend, hein, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Et puis bon, le meilleur moyen de faire de la promo, c'est de juste avoir son nom de groupe affiché en gros sur la pochette. Alors pour info, le nom Vampire Weekend, c'était le titre d'un film qu'avait réalisé Ezra Koenig, justement le chanteur, avec ses camarades étudiants. C'était un espèce de film d'horreur de série B, et la chanson Walcott, qui est dans ce premier album, et c'était un peu un genre de générique, ou en tout cas de soundtrack, c'était la soundtrack de ce film-là. Donc quelques années plus tard, Vampire Weekend arrive avec un nouvel album qui s'appelle Contra, qui est un peu plus... Là, on commence à avoir des synthés électroniques, parce que dans le premier album, on est quand même sur de la guitare, sur de la basse, et des petits synthés, mais des synthés presque joués, tu sais, comme vous pouvez avoir chez vous, avec ces petits sons d'animaux, ces sons de batterie un peu pourris, comme on a nous-mêmes ici dans la chambre d'Ophélie, qui nous sert de studio. Et là, on arrive avec l'électronique, c'est un peu plus ensoleillé, moi c'est un album, dès que le beau temps revient, j'écoute cet album Contra, parce que ça me ramène à quand j'avais 18-19 ans, que j'avais fraîchement le permis, que j'avais le droit de prendre la bagnole de mes parents pour aller sur la côte, et que je me bouffais du coup le CD, parce que c'était pile poil le temps d'écoute, c'était pile poil le temps qu'il me fallait pour arriver à Pornic. Donc voilà, ça pue le soleil. Et l'album s'appelle Contra. Alors Contra, qu'est-ce que ça veut dire? Quid Alors, c'est une référence à un jeu vidéo de l'époque qui faisait lui-même référence à l'histoire. Vous savez, il y a eu cette révolution au Nicaragua qui a été matée par les contre-révolutionnaires qui s'appelaient des Contras. Et comme c'est souvent le cas en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, quand il y a des contre-révolutionnaires pour mater un petit peu les révoltes marxisantes, eh ben il y a la CIA qui se cache un petit peu derrière en éminence grise. Donc voilà, l'album s'appelle Contra. Faut savoir que dans les paroles Vampire Weekend, c'est souvent des références un peu obscures, des espèces de jeux de mots un peu malins. On joue surtout sur la figure de style... Voilà, ils assument clairement leur côté universitaire. Ezra Koenig, lui, a d'ailleurs étudié, il a fait, sa matière principale, c'était l'anglais. Donc voilà, il était en lettres, quoi, ni plus ni moins. Donc un exemple, c'est un de leurs premiers singles, c'était Oxford Comma, que vous connaissez peut-être, là. Who gives a fuck about the Oxford Comma? Ah, ça veut dire la virgule d'Oxford. Alors pour les non-initiés, la virgule d'Oxford, c'est cette petite virgule qu'on rajoute ou qu'on peut rajouter après le « et ». Alors, j'ai mangé des calamars, des frites et des crevettes. Et après le « et », vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre une virgule qui s'appelle la virgule d'Oxford. Et du coup, c'est une chanson pour parler de l'inutilité de cet outil typographique. Voilà, donc on est sur ce niveau hein, d'intellectualité, mais qui est toujours un peu tourné en second degré quand on écoute les paroles. C'est on joue de ses diplômes et de sa science infuse, mais avec une certaine frivolité. C'est un peu la magie de Vampire Weekend. C'est du college rock, hein, même si à la base c'est pas le sens que ça, l'expression college rock. Là, on est sur ce délire-là. Et on va s'écouter du coup White Sky. Hein, c'est ma chanson de retour des beaux jours pour moi, pour ma part, qui est sur cet album Contra. Et on découvre un peu plus les capacités vocales d'Ezra Koenig, qui va chercher dans une voix de tête très aiguë, très perçante, et moi je trouve ça personnellement très élégant. Et alors, le nombre de fois que je me suis entraîné à répéter, à reproduire ça dans ma voiture, afin de pousser ma voix de tête aussi loin que pouvait le faire Ezra, et je vous invite hein, à chanter à tue-tête sur le refrain. Il n'y a pas de parole, c'est juste du aou, aou, ouou, ouou. Faites-vous plaisir. Business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing, the elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. White Sky des Vampire Weekend. Alors dans le groupe, on a un schéma un petit peu inhabituel, c'est-à-dire qu'en général, on a ce côté chanteur, frontman, qui prend un peu le lead, qui prend un peu la composition. Alors il y a un peu de ça, Ezra Koenig est un compositeur un peu majoritaire du groupe, mais celui qui est le plus actif, c'est donc Rostam Batman Glij, qui fait les synthés, fait les guitares, et qui enregistre et produit le groupe. Donc voilà, ça fait partie de ces groupes hein, qui font du DIY, hein, qui enregistrent et produisent eux-mêmes leurs albums. Moi, c'est vraiment ma façon de faire préférée. Bon, à nuancer évidemment, hein, parce que quand on commence à Columbia, on a des infrastructures à dispo qui sont un peu plus fat que quand on enregistre dans le garage de maman. Donc forcément, on peut se permettre de faire des albums un peu plus stylés. Puis j'imagine qu'on a des petits contacts à tel label et on s'en sort pas trop mal. Hein. Mais néanmoins, c'est assez couillu de vouloir bosser tout seul, hein, parce que on peut vite avoir l'envie de se tourner vers un producteur connu qui lui-même va donner sa patte, et va apporter un truc très radiophonique au morceau. Et en fait, moi, je pensais pas ça de Vampire Weekend, je l'ai appris assez tardivement, et ça m'a donné un peu plus d'estime dans ce groupe-là, que j'aime bien, hein. C'est pas mon groupe préféré, hein, mais j'ai jamais dénigré pour autant. Mais voilà, je trouve ça assez impressionnant. Alors le souci, c'est que Rostam Batman Glij a quitté le groupe après le troisième album. Donc là, Vampire Weekend, en 2019, a sorti un quatrième album qui s'appelle... c'est Harmony Hall? Non, ça c'est le nom du single. J'ai un doute sur le nom de l'album. Je vais regarder ça sur la petite page Wikipédia, en journaliste moderne que je suis. Father of the Bride, ok. Donc voilà, Rostam a continué un petit peu à collaborer avec eux, à les aider à produire. Mais pour moi, son départ, ça a changé un petit peu la patte. Hein. Le dernier album, dont on écoutera un extrait en toute fin d'émission, tout de suite, c'est un truc beaucoup plus bankable, radiophonique, extrêmement produit. Il y a beaucoup de featuring. Il y a le groupe Haim, qui est composé de trois frangines, un groupe de rock américain qui est assez intéressant. Hein. Je vous conseille d'aller écouter ça. De Steve Lacy, guitariste de The Internet. Donc lui, un artiste de ouf, pareil. Steve Lacy, super guitariste et chanteur. Il y a du featuring qui pète un peu la gueule. On sent que là on est un peu sur Vampire Weekend avec le quatrième album, ils visent l'Accor Hotel Arena. Clairement, s'ils viennent jouer en France, c'est à Paris, point barre, hein. Vous les verrez pas au Stéréolux, c'est fini. Et alors quand je pense que nous on a pu les voir à l'Olympique à Nantes, ouais, je sais pas, 2008, en... 2000... comme ça, 2008. On était en première ou on était en 2000, première 2007. Nelly était là, 2008 ou 2009. Ah ouais. Donc voilà, maintenant on n'en est plus là, maintenant ça a pris du galon. Malgré tout, il y a un troisième album qui est sorti entre temps, qui s'appelle Modern Vampires of the City, en 2013, qui montrait une belle évolution du groupe. On est un peu moins dans ces trucs naïfs, candides et enjoués. On va vers des chansons un peu plus dark, des univers un peu plus sombres, mais la balade est assez belle, hein, malgré tout. Les trois premiers albums, je trouve qu'ils s'enchaînent magnifiquement bien dans leur écoute. On passe vraiment du côté étudiant à des jeunes musiciens qui sont devenus adultes, qui sont devenus des hommes, qui sont devenus plein de fêlures, un peu à l'instar de notre Daniel d'hier, qui, derrière une écorce rêche et robuste, cache un cœur tendre. Et c'est cet album-là, c'est ce qui nous exprime de Vampire Weekend, donc... J'ai aussi beaucoup adoré cet album. Si je peux vous conseiller, c'est évidemment, mais moi c'est mon conseil pour tous les groupes quasiment dont je vais vous parler, c'est d'écouter les albums entièrement. Les musiciens, ils aiment raconter des histoires. Alors l'ère de Spotify, l'ère de Deezer, ça fait qu'on bouffe des singles à tout va. Je connais bien le groupe, en fait vous connaissez une ou deux tracks. C'est aussi intéressant, et le confinement c'est le moment de se plonger entièrement dans des discographies, ou en tout cas de prendre le temps d'écouter un album de A à Z, parce que les musiciens s'efforcent, hein, de raconter des histoires, de nous faire voyager, de nous emmener dans les tréfonds de leurs émotions, de leur esprit. Donc posez-vous le cul dans un canapé et posez un CD dans votre manche disque, quel qu'il soit, et ne touchez à rien, laissez-vous porter pendant 45 minutes, hein. Et du coup on va s'écouter Step là, de Vampire Weekend, qui est un peu plus triste, un peu plus mélancolique que les autres morceaux, et on retrouve pourtant quelques gimmicks. Il y a cette espèce de partie de clavier, d'espèce de faux clavecin qu'on peut retrouver tout au long de la discographie de Vampire Weekend, qui donne un petit côté apporte un petit côté un peu baroque à leur musique, qui est pourtant assez moderne. Donc on s'écoute Step tout de suite et maintenant sur la radio des Bancans. Every time I see you in the world, you always step to my girl. We're back, I used to front like Angle at Mechanicsburg, Anchorage, and Dar es Salaam. We're home in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually Oakland and Alameda, your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's the love, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the house. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me the dagger was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of past life. Still conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together, well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Aster, snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones, I feel it in my bones. I'm strong enough, I'm ready for the house. Such a modest mouth, I can't do it alone, I can't do it alone. Traded for youth, age is an honor to stand out the truth. We saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, but girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones, I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the house. Such a modest mouth, I can't do it alone, I can't do it alone. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones, I feel it in my bones. Stronger now, I'm ready for the house. Such a modest mouth, I can't do it alone, I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my door. Nous sommes... Bonjour. En guerre. Bonjour. En guerre. La matinale des bons cons. De 10h à 11h. Plus ou moins. Et ben voilà, c'était donc Vampire Weekend. Voilà, je vous conseille donc d'écouter un de leurs albums au choix. Écoutez suivant votre tous mood. Tous leurs albums, car on les aime très fort. Voilà, donc le jeu concours se profile. Donc vous connaissez la tradition. Vous allez sur la page Facebook. Aujourd'hui, c'est une photo de Madame Louison. Et voilà. Et vous préparez à commenter. Mais en attendant, ah ouais, déjà, je tenais à passer un petit message. J'ai fait un peu plus tôt dans l'émission une blague à caractère raciste. Ouais, antisémite, je pourrais. Ouais, ça me fait mal d'employer ce terme-là. Moi, j'aurais plutôt dit que j'ai fait un petit écart de langage. Vous avez des je m'en excuse. Mes mots ont dépassé ma pensée. Promis, demain, j'arrêterai sur ce genre de blague qui nous rappelle que trop les années 40 en France. Promis, demain, je taperai sur les Arabes. Voilà. Bah ouais, comme ça. Moi, je mise sur un principe d'équité, en fait. Hein. Tout le monde en prend pour son grade, et donc match nul, la balle au centre. Quelqu'un a pris des notes pour savoir quelle communauté on a insulté aujourd'hui, enfin depuis le début même. Eh ben en fait on a parlé des Roms mais on n'a pas été racistes. Ouais. Bah le problème c'est que. Ouais. On s'enfonce, je pense qu'il faut changer de conversation. Ouais non changeons de conversation. Allez viens, alors, on parle d'autre chose. Alors allez sur le Facebook hein. En attendant il y a Louison qui nous a fait part de ses difficultés hier soir. Elle nous dit Louison bonjour, il y a que moi qui ai très mal vécu la full moon. Elle nous dit, j'ai rêvé que j'avais le corona et après j'ai rêvé que j'avais mal à la tête. Et elle nous dit qu'au réveil, je vous le donne en mille, j'avais mal à la tête. Alors bah Louison, hein, vous rappelle de rester bien hydratée, hein, surtout pendant la pleine lune, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut bien penser à vous hydrater. Sinon, bah, coronavirus, évidemment, hein, c'est la période. Hein. De toute façon, une pleine lune, ça ne fait que faire un zoom sur vos angoisses. Alors, sur le Discord, Douglas Wilson voilà, nous a lancé un petit sondage, hein, si ça vous intéresse. Quelle minorité voulez-vous que l'on offense demain? C'est vrai, si, en termes de minorité, on a pas mal offensé Elsa Jeanne, qui... Oh, je finis pas cette phrase. Bah, je veux dire, elle est toute seule, donc elle est minoritaire. Ah oui, d'accord. Mona, on a vite lâché l'affaire sur Mona, alors qu'en fait, les meufs... Loyo, il parle des meufs. Ah oui, bah, dès qu'il faut offenser quelqu'un, Loyo, il est au taquet. Hein. Sinon, on l'entend pas du tout sur le Discord. Bon, j'espère que vous êtes prêts, hein, pour que vous êtes bien sur la photo. Voilà, ça se chauffe sur le Discord, là, je sens qu'on va se faire insulter, enfin, que je vais me faire insulter de toute paire. Donc, la photo, je vous rappelle, hier, c'est Marcette Pagnol qui a gagné. Ah, pas con. Il nous envoie sa dédicace. Alors, la dédicace, c'est franchement, je vais juste chouette... Putain, j'arrive pas. Chauffe et chou, je te chouette au nez, bonne année. Bah voilà, c'était qui ça, je sais même pas, je dis bien cet accent, mais on a... Pardon, je recommence. Je vais juste souhaiter à tous les bons cons, masse amour en cette période étrange, en cette étrange période, et que Doug attienne le septième sens. Il dit « Je pourrais rajouter que je suis content d'avoir passé mes derniers jours avant le confinement avec vous tous. » Voilà, voilà, merci Marcel. Un beau message d'amour. Je scroll un peu le chat là. Alors, on a une proposition de « C'est pas ma cam », on pourrait peut-être stigmatiser demain une maladie orpheline, il n'y en a que pour le Covid-19. C'est vrai, il n'y a pas de raison. Tous les malades de France devraient en prendre pour leur grade. Moi, c'est ma philosophie de toute façon. Alors, je me sacrifie demain, on se moquera des gens qui regardent Friends en 2020. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop en confinement, Douglas, voilà. Moi, la full moon, je l'ai pas super bien vécu. Hein. Je me suis réveillé pas mal de fois avec des rêves bien intenses dont je partagerai pas le contenu aujourd'hui parce qu'ils sont d'ordre personnel. Mais voilà, je crois qu'à un moment, j'ai insulté mon père. Hein, voilà, c'est pour vous dire un peu le niveau. Donc, je me suis réveillé pas joyeuse de ouf. Et puis, ça y est, moi, c'est la première fois là que dans mes rêves, le confinement, il rentre en jeu. Genre j'étais tiraillé entre deux logements, je savais pas où j'allais, et j'avais un chat à collerette. Et t'étais tiraillé comme un Sénégalais ? Ah putain. Alors vous, ça va peut-être vous faire rire chez vous cette blague, mais encore une fois ça fait partie des blagues que j'entends, mais oulala, beaucoup trop. Non mais voilà, c'était une nuit agitée, voilà. Moi j'ai galéré à m'endormir, voilà. On me dit son expérience de full moon. La seule full moon qui m'a dérangé, c'est quand j'étais en Thaïlande et que j'ai rencontré des gens qui ont menti sur leur personne. Alors d'ailleurs Douglas... Attends, on était sur une blague quand même, oui. Où il est en train de dire qu'il a dragué des meufs, et en fait je crois que c'est ça, hein, c'est ça que vous essayez d'insinuer. Ah non. c'est complètement votre interprète. Ça me dégoûte. Alors moi par contre, Doug, j'aimerais avoir des précisions sur cette histoire de septième sens. Alors est-ce que vous connaissez les chevaliers du Zodiac? Ouais, vite fait. Ouais, mais je peux sens qu'on n'aura pas la référence, mais allez-y pour les 13 auditeurs, il y en a peut-être un. Je vais vous expliquer c'est quoi le septième sens en fait. Donc déjà dans les chevaliers du Zodiac, et même dans la vraie vie, hein, mais ça on nous le dit pas, on nous le cache, il y a le sixième sens qui est le cosmos, votre énergie vitale. Et en fait, le septième sens, c'est quand vous arrivez à faire exploser votre cosmos pour vous transcender et devenir super puissant. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec Bruce Willis qui voit des gamins dans son salon, là Non, ça c'est le. En fait, c'est le deuxième, sixième sens. C'est pour ça que c'est un peu galère, parce que des fois, des sens, il y en a plusieurs fois, c'est le même, mais en fait, c'est pas le même. Ok. Mais c'est un peu technique, quoi. Ok, bah faut tenir des listes avec tout ça. Hein. Waouh. Moi, je vois des Bruce Willis qui sont morts, par contre. Des Bruce Willis. On rigole, mais en même temps... C'est possible, hein, qu'il y ait des gens qui soient Bruce Willis. Ah, ouais. J'avoue. Drôle de religion, en tout cas. Alors Kemen, qu'est-ce que vous avez regardé? Moi, j'aimais bien cette conversation. On est obligé de parler du film, toi, tu vois? Ça part dans tous les sens, cette émission. Mais oui. Alors, attends, il y a une maladie orpheline, il y en a que pour le Covid-19. Les gens qui possèdent les chromosomes XX... D'accord. Ouais. Calmez-vous. Alors, c'est pas ma cam, ça part dans tous les sens cette émission, mais je dois dire que c'est à l'image du chat qui part en sucette également. Hein. Comme quoi, les auditeurs et les participants, les animateurs de cette émission ne sont pas des chiens, Bon, le film, effectivement, on va peut-être passer au film. Alors, hier soir, j'ai vu un film. Par rapport à la Thaïlande, on a eu un message, non, il a dragué des mecs et en fait c'était des meufs. Va faire une sieste, va chier dans le café. Les vrais savent. C'est vrai que ça part en couille, il faut vraiment qu'on la rende l'antenne. Allez. De toute façon. Donc, le film que tu as regardé hier, Kéman, j'espère que vous êtes tous sur le Facebook, parce que ça peut peut-être aller bien vite, hein. On a des gens très très forts. Et puis là, on va emballer ses pesées, là, de toute façon, là, il faut qu'on aille. Alors là, j'ai vu un film hier soir, c'était une fresque sociale. Pourquoi ça vous fait marrer à chaque fois? Oh là! C'était une fresque sociale, faut être honnête, j'aime bien les fresques sociales qui commencent à un jeune âge, c'est l'âge de l'épanouissement, c'est l'âge où on se découvre, et c'est l'âge de la candeur, de la naïveté, où justement on se rend pas compte de nos différences sociales, mais ça c'est comme Roxy Rookie hier finalement, hein, c'est toujours jeune qu'on est un peu désinhibé, qu'on marche avec le cœur, plutôt qu'avec les codes sociaux, lui il est riche, lui il est pas riche, est-ce qu'on est fait pour être pote? Non, à la base tu t'en bats les couilles quand t'es à la maternelle, là, qu'il y en a un qui te prête un bout de son bounty à 4 heures, bah tu le manges et tu t'en fous que ce soit le fils de François Pinault ou j'en sais rien, tu fais ta vie. Mais je m'égare, ça n'a rien à voir avec le film. Donc on est plutôt sur un jeune âge, mais on est plutôt sur un jeune âge Bambi. Faut écouter un peu avant de répondre, hein. Le problème, c'est que là, t'as beau écouter, je pense pas que je les mette trop sur une piste, on va pas se mentir. Donc c'est plutôt un film avec des ados, alors à l'instar de moi à 19 ans, hein, les ados, ça pense à pas grand-chose d'autre qu'avec leur bite, hein, surtout pour la jante masculine. Alors après, je sais pas pour les femmes, hein, j'étais pas une femme à 14 ans. Hein. Non, ouais, oui, peut-être à part les copains en Thaïlande de Damien, ça je sais pas. Donc oui, non, c'est plutôt des ados. Alors, ils pensent à une chose, ils pensent à tremper leurs nouilles, quoi. Voilà, c'est un peu bateau. Bah, le problème, c'est quand on a des films avec des ados, Harry Potter. Alors, on n'a pas eu la même lecture d'Harry Potter. Hein. Moi, j'ai vu ça beaucoup plus naïf. Mais... Et donc, ils sont genre ensemble dans un établissement, voilà. Et puis, ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir... Alors, ils ont tous leur stratégie, ils sont tous un peu copains, mais c'est un peu bizarre. Tu les vois... on a sur le Louison, on avait dit pas le Discord. Bon, de toute façon, c'est pas ça. C'est toujours un peu compliqué ce stage-là parce qu'il faut faire l'équilibre entre les cours où on sent qu'ils sont pas vraiment là, les gamins. Et puis on se désintéresse parce qu'il y a toujours le classique dilemme de quand on est au collège, c'est-à-dire est-ce que je fais plaisir à mes profs qui sont un genre de substitut à mes parents en termes émotionnels et de rapport de fierté et de valorisation sociale, ou bien est-ce que simplement je veux me faire aimer de mes pères, des gens de mon âge. Il y a toujours cette espèce de dichotomie intrinsèque de je veux réussir socialement, je veux être un individu épanoui, je veux devenir citoyen du monde, je veux devenir intégré, je veux devenir un jeune actif finalement, et en même temps je veux faire marrer les copains. Et c'est toujours un petit peu la fragmentation identitaire du jeune adolescent, hein, le complexe du homard, comme disait Françoise Dolto. Le complexe du homard, c'est-à-dire que en fait le homard, plus il grandit, plus il doit changer de carapace, mais quand il change de carapace, il est fragile, il est fébrile, et ça c'est véridique, hein, alors autant je me rappelle pas très bien les films, autant les bouquins ça carbure. Et du coup il y a ce truc là un peu malaisant, il y a ce truc un peu gênant dans le film, voilà, où on a mal pour eux, on se moque d'eux mais on a mal pour eux, quoi. Et puis en plus les pauvres, ils sont quand même au collège à Rennes déjà. Bon, ça fait un... Déjà, être collégien, déjà, de base, c'est pas simple, mais être en Bretagne, Pas évident non plus, pas évident, on va pas se mentir. Et puis bah, faut voir la gueule de Vincent Lacoste à cette époque-là, putain, voilà. Y a cette scène où il roule une pelle à sa copine, là, donc la quintessence de l'expression des émotions adolescentes. Y a ce côté un peu, ah, on est content pour lui, mais en même temps, c'est vraiment sale, c'est sale, c'est sale. Ouais, bien sûr, vous avez trouvé, mais laissez-moi quand même m'enflammer, m'emballer pour ce film. Donc oui, effectivement, Elsa, vous avez trouvé, c'était les beaux gosses de Riyad Satouf. Ah oui, parce que pareil, je me rappelle bien des cinéastes. Donc oui, c'était les beaux gosses, bien tenté pour American Pie, hein, mais c'est finalement, est-ce que les beaux gosses, c'est pas le American Pie à la française ? Un point de suspension. Oui, c'est oui. Mais oui, mais vous. Voilà. Vous êtes, voilà. Alors, on a eu quoi comme proposition ? On a eu Harry Potter. Alors, j'ai bien aimé. Rapport aux baguettes. High School Musical. Ah, ça, c'était bien tenté aussi. Hein. On est super grave aussi. Super grave, ah pur, ah ouais, ouais, super grave et très bien. Donc ouais, bah non, mais nous les Français, quand on fait un film sur l'adolescence, on fait pas juste de la blague vaseuse, on essaie d'y intégrer un peu de malaise, un peu de... Ah. Donc Les Beaux Gosses, c'est un super film. Hein. Par contre, ça vous fait un peu vous remémorer votre adolescence un peu avec ce sentiment de... Ah, quand on regarde, des fois, il y a ce... Vous savez, cette petite onomatopée qu'on peut faire quand on est gêné et qu'on se remémore soi-même les moments qu'on a pu vivre. Ouais, le cringe, comme on disent les Américains. Le... Voilà. Ouais, moi je trouve qu'il va de pair aussi avec le petit. Oh. Ouais, c'est non, de... c'est ça. Oh. Oh. J'ai envie de faire des câlins à ton toi-même de 16 ans. Mode... Ah bah ça c'est clair, ça c'est clair. Ah bah de toute façon, quand tu vois ce film, tu repenses à ta première pelle. Moi, elle s'appelait avec Eva Jamin, là, dans le fond du bus de Joseph à la Mabiterie à Varade, où elle m'est venue dessus comme si j'allais prendre un coup de tête. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis après, il faut tourner la langue comme une machine à laver. Tu sais pas trop ce que tu fais, tu comprends pas trop. T'es censé prendre du plaisir à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, hein. Et t'as toutes tes camarades qui te regardent, qui rigolent, qui ricanent. Ah, non. Bravo. Et ça, c'est une histoire vraie. Bon, ben, on va se dire au revoir là-dessus. Sur ça, Elsa, vous nous envoyez votre dédicace pour demain, et puis on se fera un petit plaisir de la lire pour vous. Exactement. Au revoir, bon Doug. Ouais, au revoir, passez une bonne journée. Et j'en profite parce que Chloé, elle a oublié au début, mais on souhaite un très joyeux anniversaire à Louise. Oui, voilà. Pardon, j'ai oublié Louise. J'allais le dire à la fin, vous m'ôtez les mots de la bouche. Bah, s'il y a que les mots, ça va. Et, oh. Alors, et on a un commentaire d'Elsa qui dit « Demain, Kéman nous racontera sa première fois. » Eh ben, ça implique une éventuelle auditrice de notre radio, donc je vais m'abstenir pour ce coup-là. Autant Eva Jamin, 4ème B, j'ai le sentiment qu'elle n'écoutera pas. L'autre personne est peut-être concernée et elle a peut-être écouté le replay, je sais pas, donc je vais fermer ma gueule sur ce coup-là. Mais bien tenté, bien tenté, bien tenté. C'est aussi drôle en tout cas, je vous avoue, hein, la teneur comique est garantie. Hein. Peut-être qu'on aura droit à la fête à la fin du confinement pour la matinale en direct. Eh ben, il faudra quelques verres de vin et quelques pétards pour me faire cracher le morceau, je peux vous le dire. Eh ben, moi je vous embrasse aussi, passez tous une très belle journée, prenez soin les uns des autres et on se retrouve demain. Oui, même jour, même heure, même jour. Et on s'écoute Harmony Hall de Vampire Weekend, voilà. Et qui nous mettra de bonne humeur pour l'instant de la journée. Bisous les copains. Bisous. Ciao. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free. All that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die.